Il faut annuler la réunion. C'est fait, la réunion a été annulée. Il faut reporter la date. C'est fait, la date a été reportée. Il faut avertir les clients. C'est fait, les clients ont été avertis. Il faut envoyer le courrier. C'est fait. Le courrier a été envoyé. Il faut classer les dossiers. C'est fait. Les dossiers ont été classés.